Soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? Et que, pour qui sentis attraction sexuelle affective? Ou pour autres mujeres? Ella deja de ser mujer, por eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro el cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour les auditrices. Alors, je m'excuse déjà de la qualité de cette introduction qui est enregistrée avec mon téléphone portable parce que j'ai des gros soucis de micro. Mais bon, voilà, ceci est la troisième partie du cycle de podcast sur les écoféminismes d'Amérique du Sud. Cette partie fait suite aux échanges avec Elina Fronti, l'autrice du recueil Vivante des femmes qui luttent en Amérique latine, recueil de textes écoféministes d'Amérique du Sud. Et je voudrais, moi, de mon côté, revenir sur mon terrain de recherche et à mon tour vous partager la suite de mes réflexions en appui sur le mémoire que j'ai mené de fin d'études sur la lutte des femmes, notamment indigènes, contre l'extractivisme en Amérique du Sud. Je me suis appuyée sur plusieurs terrains que j'ai un peu expliqués dans l'épisode 1 de ce cycle, que je vous invite à écouter. D'une manière générale, j'ai lu beaucoup de textes des coloniaux, des féministes décoloniales d'Amérique du Sud, indigènes ou non, sur leur lutte locale, nationale, intercontinentale et quelque part internationale. Et mon terrain de recherche, lui, s'est concentré sur l'Équateur, avec des interviews auprès des femmes d'une communauté Inta, qui n'est donc pas une communauté de population dite indigène, comme le répertorié dans les codes législatifs nationaux, qui luttent contre un projet minier et se sont regroupées en plusieurs associations locales. Donc il y a un groupe de femmes parmi les nombreuses associations locales qui constituent cette alliance générale. Et puis j'ai mené aussi des interviews avec les femmes défenseuses de l'Amazonie, pour reprendre leur propre appellation, à Puyo en Équateur, aussi à la frontière de l'Amazonie, accompagnée de ma collègue d'alors, Cristina Fueres. Et je fais dialoguer les différents terrains d'études avec les réflexions développées par Mujeres Creando ou le collectif Amix Massage au Guatemala, Mujeres Creando venant de Bolivie, dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents, et aussi avec des luttes locales à Cajamarca de femmes péruviennes contre un autre projet minier. Et dans cet épisode, je voudrais interroger donc plusieurs thématiques et problématiques, à savoir le rapport à se dire ou non femme pour justement ces personnes qui luttent. Nous aborderons aussi la question de l'hétérosexualité, le rapport à se dire ou non féministe. Nous reviendrons sur l'histoire du double patriarcat tel qu'il est conçu par une partie importante des féministes décoloniales. Et je voudrais interroger le rapport à l'état des personnes que j'ai pu interviewer, faire un état des lieux un peu de leur force de mobilisation à LE, des problématiques internes qu'elles peuvent rencontrer également. Revenir sur le rapport au corps-territoire que j'ai pu observer lors de mes entretiens avec ces femmes, comment elles se retrouvent en première ligne de ces luttes et à quel point elles mobilisent ce concept, dans quelle mesure elles y recourent. Et enfin, je souhaiterais terminer par la conclusion. Je vais vous lire du mémoire que j'avais écrit, qui pour moi permet une belle manière d'aboutir cette réflexion que nous avons menée avec Elina et d'autres, bien sûr, sur ces écoféminismes d'Amérique du Sud, ou en tout cas les liens que l'on peut faire entre les différentes mobilisations de femmes contre les projets extractivistes et des mouvements écoféministes, y compris occidentaux. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. S'agissant de la catégorie de femmes, celle-ci peut être elle-même questionnée par plusieurs féministes décoloniales qui dénoncent une catégorie qui a été avant tout réservée aux femmes blanches, mettant les autres dans des catégories davantage animalisantes de femelles. D'où la distance avec le féminisme hégémonique et peut-être la revendication aujourd'hui du terme « femme » de manière plus générale, venant des femmes des pays des Suds ancrés et racialisés. De manière générale, beaucoup de femmes autochtones ne se perçoivent pas comme individus, comme c'est le cas dans le droit dominant, mais comme membres de communautés, revendiquant donc des droits collectifs tels que liés au territoire et au droit d'enfanter. Dans la deuxième partie d'un article publié dans Contretemps, intitulé « Les racines féministes et lesbiennes autonomes de la proposition décoloniale d'Avia Ayala », je vous livre la conclusion. De cette façon, donc les féministes et lesbiennes autonomes apportent des éléments très précieux, tant épistémologiques que pratiques, pour approfondir la réflexion sur certains sujets d'intérêt majeur pour les féministes, les lesbiennes matérialistes, les antiracistes et les anticapitalistes dans d'autres parties du monde, voire les travaux de Jules Falquet en 2016. Elles permettent d'abord d'approfondir l'analyse historique de l'hétérosexualité comme système politique et son imbrication complexe avec les rapports sociaux de race et avec la colonisation, ou l'analyse de la race de la colonisation comme étant étroitement imbriquée avec l'hétérosexualité. Elles permettent ensuite de penser plus en profondeur la logique d'imposition simultanée de la production sociale et biologique à certains groupes humains et à certaines régions du monde, aussi bien dans la première phase d'accumulation primitive qui commence avec l'invasion d'Avia Ayala et qui a permis l'émergence du capitalisme, que dans l'actuelle phase d'accumulation par pillage. Ainsi, elles proposent des outils déterminants pour penser le passé et l'avenir de la mondialisation néolibérale dans une perspective globale et construire des alternatives. Sur le fait de se dire féministe ou écoféministe, dans mes entretiens à moi, c'était plutôt rare. Et plutôt le fait de femmes ayant étudié, notamment Sylvia à INTAG, qui nous expliquait que l'amalgame était toujours prégnant entre féminisme et lesbianisme dans les communautés dans lesquelles elle vivait et n'était donc pas forcément bien vue. Elle revendiquait néanmoins ce terme de son côté et le définissait comme la revendication davantage d'égalité entre les genres. Mais en dehors des féminismes communautaires, la plupart des textes que j'ai lus de femmes indigènes qui se mobilisaient contre l'extractivisme donnaient plutôt la priorité à la vie et à l'autonomie de l'ensemble de la communauté comme centrale dans leurs revendications, plutôt que le fait de revendiquer une égalité de genre de manière globale et plus générale. Parmi les défenseuses d'Amazonie, j'ai été frappée par le témoignage de Lynette, qui me décrivait différents degrés et traductions du machisme selon les nationalités et cultures indigènes dont il est question. Les femmes quichua qui auraient par exemple gagné davantage d'espace d'expression que d'autres communautés. Au-delà des cellules familiales et communautaires, elle constatait le machisme intra-groupe militant. Ceux-ci parlaient beaucoup, monopolisent le travail de négociation et de prise de décision, les tâches les plus socialement reconnues, alors qu'ils ne sont pas là nécessairement sur toute la durée et dans le plus dur de la lutte, comme les marches, les rassemblements. Pour les défenseuses de l'Amazonie, le manque de soutien financier, aussi bien que physique et psychologique, des hommes au travail des femmes est flagrant. Elles disent également manquer d'accès aux instances de décision administrative, comme les dispositifs de consultation et de prise de décision. Du côté des féministes communautaires que j'ai pu étudier, il y avait là la lecture d'un double patriarcat. D'un patriarcat que Rita Segato appelle de basse intensité, qui est précolonial et qu'on peut retrouver dans la communauté Aymara, par exemple, ou Quechua, comme le Chacha Wami. Chacha et Wami étant les mots pour les deux genres masculins et féminins, et renvoyant à une complémentarité, en gros, avec une certaine valorisation quand même des tâches dites masculines, socialement masculines, sur les tâches féminines, mais revendiquées comme vraiment complémentaires, codépendantes. Là où le patriarcat de haute intensité, pour reprendre là encore l'expression de Rita Segato, aurait été amené par la colonisation. Donc ces termes basse intensité et haute intensité viennent de Rita Segato, mais on a la même lecture chez les féminismes communautaires comme Mujeres Creando, avec la réflexion théorique qui permet de tisser des métaphores inspirées de la cosmogonie de leur peuple d'origine, liant l'exploitation de la terre à celle de leur corps en tant que femmes, corps étant de même le premier espace de leur lutte. Ce cadre idéologique et théorique n'est pourtant pas nécessairement majoritaire pour l'ensemble des mouvements de résistance indigène. Par exemple, j'ai pu étudier aussi la mobilisation des femmes de Cajamarca au Pérou. Et leur mobilisation s'était faite de fait, sans aspiration préexistante, sans pensée théorique antérieure, mais face à la transformation de leur monde social et à l'urgence sanitaire auxquelles elles étaient confrontées. Concernant la mobilisation des femmes à INTAG, celle-ci n'est pas partie d'un mouvement indigène en tant que tel. Il n'y a pas de descendance de nationalité pré-hispanique chez cette population. C'est une population qui est dite métissée. C'est le terme utilisé nationalement en Équateur, qui s'est installé sur place après la colonisation. Donc il n'y a pas de référence dans leur discours à la cosmogonie, en tout cas pas directement. Et pourtant, il y a une similarité de revendication d'un vécu du territoire avec les revendications des femmes indigènes. Intag est dans un contexte d'isolement géographique qui a favorisé d'importantes relations interpersonnelles et de solidarité intra- et intercommunautaire à l'ensemble de la vallée. C'est un territoire à l'origine difficilement cultivable, mais auquel la population installée a réussi à s'adapter, en développant malgré tout une agriculture de subsistance. Et elles ont également développé une identité commune qui a su constituer un terreau fertile à la construction rapide d'un réseau de résistance associatif et écologiste, en mesure de lutter contre l'extractivisme et de lui opposer un « plan de vie alternatif ». Le mot « plan de vie » revenant régulièrement dans ses revendications comme opposé au plan de vie de développement néolibéral apposé par le gouvernement équatorien. L'autonomie économique et politique est similaire à d'autres communautés indigènes que j'avais pu étudier, mais sans nécessairement aller vers la revendication de libre détermination. À Intag, comme dans les territoires d'Amazonie par exemple, et dans d'autres territoires étudiés, on trouve bien la rupture du territoire administratif et du territoire social vécu entre les populations et celui pensé par les politiques publiques, transitant par les instances administratives en charge de les appliquer. Ces deux réalités ne se correspondent pas, et en découlent des différentes modalités de décision. Et on observe que les dispositifs de concertation ne sont pas appliquées et que justement ces politiques publiques ne correspondent pas à la réalité des modalités de décision et de concertation développées au fil des années d'isolement de ces communautés d'Intag. Dans la mobilisation des femmes d'Intag, le corps ne prend pas à l'origine le même sens, la même importance. De même, le mouvement en tant que tel, tout comme à Cajamarca, au Pérou, ne vient pas des femmes directement, je veux dire le mouvement anti-extractiviste, mais celles-ci vont rapidement se retrouver au centre des préoccupations de subsistance et s'organiser à l'intérieur d'un mouvement social déjà en construction, en développant des analyses sur le travail genré et se plaçant ainsi en première ligne de la lutte. Je voulais partager avec vous mes notes de la conférence de Carlos Walter Porto Goncalves que j'avais suivie à Quito, en Équateur, en avril 2019, à une rencontre des défenseuses des territoires d'Ayayala. C'est la 9e rencontre intercontinentale. Alors voilà ce qu'il en ressortait. Carlos Walter Porto Goncalves, qui est donc un géographe décolonial brésilien, expliquait que la colonisation apportait une définition de l'universel, alors qu'en réalité, il y avait plusieurs universalités selon les territoires, avec diverses formes de pouvoir et de savoir, et différentes formes de sentir. La notion de territoire était, de ces mots, un produit de la colonisation. La conquête de l'Espagne des terres sud-américaines a été le moyen de production, de la constitution d'un apport financier pour ensuite développer l'assistance technique, et donc la conquête partant de la terre a ensuite permis la recherche de moyens de produire davantage encore, via les ressources financières. Il décrit notre époque comme celle d'un chaos systémique, dû aux revendications qui viennent et s'ancrent dans le territoire, la notion de territoire. Pour lui, notre époque est un moment de grande transformation. Et on était dans un moment pré-Covid. C'est un moment qui remet en cause les paradigmes institués, qui vient déstabiliser les patrons du pouvoir et du savoir, qui datent du moment de la conquête espagnole, et qui ont formé le premier système monde. Cette expression renvoie là au système monde défini par Wallerstein. Dans les années 80, il a fait un terrain de recherche en Bolivie. Il écoutait la revendication « Nous ne voulons pas des terres, nous voulons un territoire ». Il a notamment parlé avec des paysans boliviens de l'Amazonie, communauté Cauchi. Il date donc notre système monde, comme premier grand système monde, de 492, année de la conquête du continent sud-américain par Christophe Colomb, et explique que nous vivons un moment de crise qui n'est pas seulement celle du capitalisme, mais bien une crise civilisationnelle au sens de Marx. Pour lui, les cartes actuelles ne rendent pas compte de cette crise, puisqu'elle ne considère pas les autres savoirs. Au-delà de la violence, la colonisation s'est notamment appuyée sur la disqualification des savoirs locaux. C'est ce qu'on appelle la violence épistémique, c'est-à-dire la violence des sens, S-E-N-S, des façons de faire sens, et donc des discours également. Cette colonisation s'est attachée à détruire les connaissances préexistantes. Aujourd'hui se manifeste l'urgence de reconnaître et de récupérer ces savoirs par les peuples autochtones. Le pouvoir épistémique se retrouve dans les mots. America, venant d'Américo Vespucci, le navigateur florentin au service du royaume du Portugal et de la République de Castille. Venezuela signifie Petite Venise. Argentine renvoie à l'argent que sont venus chercher les colons. Amérique latine est le fantasme d'un nouvel empire romain et de l'implantation de la langue latine sur tout le continent. Bolivia, à l'inverse, rend hommage au libérateur, Simón Bolívar. L'expression « s'orienter » renvoie à la quête de l'Orient, qui les a finalement menés sur le continent américain et sud-américain. L'expression « tous les chemins mènent à Rome » montre bien la centralité de l'Europe, qui est toujours placée au centre des cartes qu'on utilise en géographie. Ces cartes sont les mêmes enseignées dans les cours de géographie, aussi dans les pays du sud, des suds ancrés et globaux. La centralité et la modernité européenne ne sont possibles que par l'exploitation par les pays occidentaux des autres pays qu'ils placent à leur périphérie. Les États européens se sont construits à partir des ressources, l'or, l'argent, etc., qui leur a permis de centraliser leur pouvoir. Or, ces ressources viennent du continent américain et de la main-d'œuvre africaine et autochtone. Carlos Walter Porto Goncalves définit la modernité comme l'égal de la colonialité. Ces deux termes sont les versants d'un même phénomène. Il parle de processus moderno-colonial. Il y a selon lui deux piliers du système monde de 492. L'un capitaliste, l'accumulation des richesses, et l'autre territorialiste. L'Europe vient alors implanter ses traditions patriarcales. Bien que Marx souligne que le capitalisme n'est pas de patrie, c'est bien le capitalisme qui permet le développement de la patrie, notamment l'Espagne au XVIIe siècle, et le développement d'États qu'il dit territoriaux. Le concept d'État national ne peut être dissocié d'un État colonial, car à l'intérieur de ces États nationaux, on trouve en réalité une grande variété de nationalités différentes, autant en Équateur qu'en France. Ça a été une façon d'instaurer une hiérarchie entre les différentes territorialités existantes. Au Brésil, il y a 0,4% de population indigène aujourd'hui. C'est bien moins qu'en Équateur et en Bolivie. Mais c'est un pays qui contient plus de 130 ethnies différentes, quand la Bolivie en tient seulement 6. Le colonialisme n'est pas seulement une relation des métropoles à leur périphérie. Je mets leur entre guillemets. Le colonialisme est interne au pays, et y compris des périphéries. Carlos Walter Goncalves cite Pablo González Casanova, sociologue mexicain, et Perry Anderson, qui s'est intéressé à l'État absolutiste, à comment se sont formés les États européens. Nous avons des pays très différents, mais avec un fil conducteur, des confrontations paysannes en différents lieux à l'échelle locale, contre l'exploitation et l'oppression, des révoltes si fortes qui se rejoignent et se centralisent autour des seigneuries et forment l'État territorial. La centralisation se fait autour de l'armée pour contrôler les paysans, paysannes. Puis vient l'implantation et l'autoproclamation d'une langue nationale. Les cultures locales sont dites inférieures. Elles ne sont d'ailleurs pas appelées culture mais folklore. La langue régionale n'est pas appelé langue, mais dialecte. Jusqu'aux années 70 et 80, le territoire renvoyait directement au territoire étatique, présenté comme naturel. Mais c'est une idée qui va être peu à peu remise en cause par les mouvements afro-descendants et indigènes, qui viennent dénaturaliser cette conception de territoire, avec la revendication de savoir propre. La colonisation a aussi implanté une forme de domination anthropocentrique, de l'homme devant être maître de la nature. Ce discours n'incluait pas les femmes et les autres minorités de genre. C'est une implantation d'une science de la domination et non du soin. Les minorités de genre confondues dans les femmes sont associées à la nature, d'où la double domination associée également à celle des blancheux, surtout les peuples non blancs. Ces peuples non blancs qui sont féminisés. J'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents. La science coloniale est au service du capitalisme, tel Francis Bacon, qui développe une certaine idée de la technoscience, avec une priorité de l'efficacité sur la préoccupation pour la vérité. Dans les années 60 et 70, Foucault ouvre un espace de connaissance qui souligne les relations de pouvoir et de savoir. Après la Deuxième Guerre mondiale, les premières voix des peuples parlant d'autres lieux et manifestant d'autres formes de savoir, de pouvoir, se font entendre et viennent reterritorialiser notre pensée. Puis ce sont les années 80 et 90, avec les marches indigènes à Quito et à La Paz, des marches qui viennent des périphéries géographiques et sociales, de la campagne, des classes populaires et qui rejoignent les villes. De nouvelles revendications émergent qui font apparaître un nouveau paradigme, la lutte pour la vie, la dignité et le territoire. Cette devise peut être mise en perspective avec celle française de liberté, égalité, fraternité. La liberté a été réappropriée par la droite, l'égalité par la gauche. Quant à la fraternité, personne ne se l'est vraiment réapproprié. Intéressons-nous de plus près à ce nouveau paradigme donc, vie, dignité, territoire. La vie dans la cosmovision indigène est une perception de la vie dans son intégralité comme connectant toutes les espèces, dépassant le paradigme anthropocentré, c'est-à-dire centré sur l'être humain. La dignité qui est désormais reprise par de nombreux documents politiques, c'est un mot plus fort avec une idée plus profonde que l'égalité. Elle ne revendique pas seulement l'égalité mais la reconnaissance de la particularité. Elle renvoie à la nécessité de la reconnaissance de son identité, de sa culture propre. Le territoire, enfin, est le requis nécessaire aux deux autres, c'est-à-dire la vie et la dignité, puisque le territoire est substance vitale et de culture. Comme le dit Carlos Walter Prieto Goncalves, les paradigmes ne tombent pas du ciel, ils sont institués. Le paradigme actuel est en crise, et il a été institué par la classe bourgeoise, blanche, capitaliste et patriarcale. On assiste aujourd'hui à un des nouveaux paradigmes, le buen vivir, qui s'oppose aux notions de propriété et d'accumulation des états nationaux territoriaux. On amorce un changement dans l'état lui-même, qui devient état plurinational en Équateur et en Bolivie, et reconnaît les droits de la nature. Ce paradigme remet en cause l'idée de frontière entre société et nature. Le corps vit aussi le cycle de l'eau. Nous sommes partie de la nature. Ces constitutions d'états plurinationaux sont des victoires de ce nouveau paradigme qui vient directement de la cosmovision indigène. La crise actuelle est aussi celle de notre relation à la nature, dans des sociétés qui sont de plus en plus majoritairement urbaines et individualistes. L'expression de formes alternatives de territorialité et de nouveaux paradigmes implique la remise en cause de l'État tel qu'il s'est construit, comme au Chili où l'État est omnipotent, décidant de toutes les formes de possession, contrôlant toutes les ressources. De nouvelles formes de pouvoir transversal émergent, se concurrencent et concurrencent l'État, comme les organisations des narcotrafiquanteux et les groupes paramilitaires, qui sont très très présents en Amérique du Sud. À côté de ça, d'autres formes d'organisation existent également, depuis la communauté, au travers de la culture des mingas par exemple en espagnol. La minga, ce sont des grands travaux collectifs qui sont organisés dans les communautés en Équateur, où tout le monde se met à participer et qui sont des célébrations en même temps que des travaux pour la communauté. Ça peut être construire une école, aider à la rénovation de maisons. C'est quelque chose de très important culturellement là-bas. À la suite de cette conférence, Carlos Walter Prieto Goncalves a répondu à certaines questions et j'ai noté quelques idées qui me semblaient intéressantes. Par exemple, a été soulevée l'idée du sentir-penser d'Arturo Escobar, autre auteur décolonial, et l'idée du corazón, des raisons du cœur, d'une vision opposée. Le sentir-penser, ça serait une nouvelle partie de ce paradigme qui vient bousculer notre paradigme occidental et blanc capitaliste bourgeois, centré sur la rationalité, l'objectivisme de la modernité. A été également soulevé le terme de socionature et de territoires hydrosociaux, une façon actuelle de reconnecter les deux pans d'un même monde. Quelqu'un a également soulevé la nécessité de réintroduire la notion de territoire dans les milieux urbains. On a également parlé de repenser notre paradigme du travail, avec l'idée qu'il n'y a pas de production sans reproduction, notamment des ressources au sens large, pas juste des matières premières. Carlos Walter Prieto Goncalves a également mis en parallèle les mots de résistance et d'existence, qu'il rapproche par la nécessité de construire de nouvelles épistémologies, l'importance de la dialectique, de nouvelles formes de pensée. Et attention, on ne parle pas là de vérité. Et ces nouvelles formes de pensée émergent dans des situations de conflit. Et c'est dans ces formes donc dialectiques, de dialogue, de constant aller-retour, que se font entendre les luttes sociales, communautaires et anti-système depuis les années 1960. Ce qu'on retrouve aussi dans les travaux de Wallerstein. Carlos Walter Prieto Goncalves met enfin en garde contre l'essentialisme. Aucune culture n'est complète. Nos corps eux-mêmes sont composés de trous pour interagir avec notre environnement. Nous sommes faits pour interagir avec le reste du monde. Pour lui, il convient de garder à l'esprit que nous pensons tous à travers une langue et donc une culture spécifique. Notre pensée est toujours construite socialement. L'individualisme n'a pas de sens, nous avons besoin d'échanger. Il privilégie le mot d'interculturalité à la multiculturalité. Dans le recueil publié par Elina, le texte « Un méga projet minier au pays des droits de la nature, conflit, santé collective et destruction psychosociale des femmes » de Maria Fernanda Solis Torres a beaucoup résonné avec les réflexions de Carlos Walter Prieto Goncalves. Donc Maria Fernanda Solis Torres, c'est une psychologue et chercheuse équatorienne. Et pour moi, son texte fait écho avec les méga-projets en Équateur et la destruction psychosociale des femmes et des communautés de manière générale que décrivaient les personnes que j'ai interviewées lors de mes recherches. Et cela fait émerger différentes conceptions des territoires par les défenseuses de l'Amazonie en Équateur vis-à-vis de l'État. Les défenseuses de l'Amazonie dénoncent un rapport purement utilitariste du territoire comme source d'économie par l'extraction. Et ça fait le lien avec ce que Carlos Walter Prieto Goncalves décrit comme le fait que cette économie par l'extraction, c'est également la base de la justification de l'État moderne pour administrer les territoires et ainsi en être possesseur et dépositaire. Bourdieu, Passeron et Boltanski ont beaucoup travaillé sur le pouvoir symbolique de l'État, de nommer les choses, le pouvoir d'administrer les choses également, de produire les principaux actes de connaissance et de reconnaissance par l'administratif, pour ainsi unifier les territoires sous son joug, pour les rattacher à son modèle de société, calqué sur le modèle occidental, urbain, capitaliste et industrialisé. Mathieu Lecamp, un autre sociologue, a mis en avant le fait qu'en Équateur, malgré les mécanismes obligatoires d'information, de consultation et de participation par l'État plurinational d'Équateur, des populations autochtones, avant tout au projet d'extraction, qui est un devoir de consultation également requis par la Convention 1969 de l'Organisation internationale du travail ratifiée par l'Équateur, malgré du coup cet engagement aussi bien international que national, le gouvernement équatorien n'entend pas que ces mécanismes se révèlent contraignants pour l'État. Pour lui, ce ne sont que des consultations de vitrine, qui se font d'ailleurs souvent tardivement après les premiers processus d'exploration et de forage. C'est davantage une manière de convaincre et de légitimer les projets extractivistes tout en permettant des projets d'extraction plus grands encore, de manière totalement illégale. L'État plurinational édifié par la Constitution de 2008 n'équivaut pas, pour l'État équatorien, à une modification profonde de ses modes de décision et notamment du modèle de démocratie représentative, ce qui s'oppose du coup aux demandes d'autonomie de nombreux territoires et nationalités autochtones. L'État prétend décider du bien-être de toute la nation, que celui-ci passe par la redistribution des capitaux obtenus par l'extraction. Il utilise l'argument de l'intérêt général. Les femmes indigènes que j'ai rencontrées mettent en avant un autre rapport au territoire, de l'ordre du vécu, du sentir, un lien vital et sentimental au territoire, ce que Carlos Walter Porto Goncalves qualifiait de territorialité. Le territoire est inscrit dans une autre temporalité que celle de l'État moderne. Il y a l'idée de filiation avec les ancêtres, de forme d'unité d'identité précoloniale, à l'ensemble des territoires d'Abdiayala, qui sont souvent décrits comme une grande maison, des nationalités indigènes présentées comme une seule et même personne, avec leur propre plan de vie, non respecté par les gouvernements et entreprises extractivistes. Et le territoire, dans mes recherches, était également décrit comme une source de subsistance, très liée à la cosmogonie. Territoire et vie sont les deux phases d'une même conception du cosmos, avec lequel ces militantes indigènes revendiquent l'intrication et l'interaction continue. Elles revendiquent un usage de la terre versus une conception de possession de ces terres par les États et entreprises extractivistes. Il y a également un rapport à l'eau très fort. Reviennent souvent mentionner les lagunes composées de multitudes d'êtres invisibles microscopiques. L'eau ancre le territoire comme ressource de vie, selon le paradigme des mouvements indigènes vie, territoire, dignité. Elle imprègne fortement la cosmogonie. L'eau est également un processus de sanation, de célébration, de transmission intergénérationnelle, comme dans le cadre des bains, auquel l'un des textes du recueil d'Elina fait référence. Le territoire est également lié aux savoirs médicinaux, et je vais vous lire à ce titre un chant médicinal qu'on retrouve dans le recueil d'Elina. Il était intéressant pour moi de rencontrer Lynette, l'une des défenseuses de l'Amazonie, qui était également chercheuse en biologie et dont tout l'activisme était notamment centré sur le fait de revaloriser les savoirs médicinaux de sa communauté. Le rapport au territoire des femmes que j'ai rencontrées sur place faisait écho au constat direct de la dégradation de leur territoire par les entreprises extractivistes sur le plan de la beauté, de la subsistance, des ressources de soins et de la spiritualité. J'y ai constaté le lien entre vie et territoire, d'où découlait tout l'intérêt de la lutte pour la préservation par ces communautés de leur culture, de leur identité et de leur lieu de vie en tant que dignité, le troisième terme du paradigme vie, territoire et dignité. Les femmes que j'ai rencontrées entretenaient différents rapports et attentes vis-à-vis des institutions. On l'a vu, il n'y a pas nécessairement de revendication de libre détermination par tous ces groupes de femmes mobilisées. Les féministes communautaires comme Julieta Paredes ont glissé vers la revendication d'une place et d'une écoute des voix indigènes au sein des instances étatiques. C'est le cas avec l'État bolivien plurinational. Lorsque j'ai pu m'entretenir avec elle au téléphone, Julieta Paredes estimait plutôt satisfaite de l'application de cette réforme constitutionnelle d'État plurinational et du respect du dispositif de consultation des peuples, avec assez de marge d'autonomie pour formuler leurs propres aspirations de vie sociale. Or, les femmes boliviennes de la rencontre à Quito des défenseuses des territoires d'Abiyala ne partagent pas cette satisfaction vis-à-vis de l'État plurinational bolivien. Pour elles, le gouvernement bolivien, tout comme le gouvernement équatorien, n'a pas renoncé à recourir à l'extractivisme pour financer sa transition de modèle social. Il y a donc différentes conceptions du buen vivir selon les mouvements indigènes. Pour Lynette, défenseuse de l'Amazonie en Équateur, il n'y aurait aucun regret au retrait de l'État. Et elle ne lie pas ce phénomène à une surcharge de responsabilité endurée par les femmes à cette période. La revendication d'autonomie dans leur vie, sur le territoire vécu et leur plan de vie est primordial, comme pour les défenseuses des territoires d'Abiyala lors de la rencontre à Quito. D'autres militantes, telles que Zoila, soutiennent à l'heure actuelle davantage d'investissements publics, mais comme réponse au mal causé par la perte de leur savoir et autonomie en amont. Perte dont elle tient l'État équatorien responsable par ses tentatives d'imposition du mode de vie capitaliste néolibéral et ses cooptations des hommes, des jeunes et des communautés enclavées. Voyons maintenant quelles sont les forces de mobilisation de ces femmes. D'abord, leur union. Elles s'inscrivent souvent dans des intégrations régionales et internationales, telles que la coordination du groupe des femmes d'INTAG, qui usent d'Internet et des réseaux sociaux pour cela, qui organisent des congrès pour gagner par la force du nombre. Quand il y a dispute, le gouvernement nous gagne. Mais par exemple ici, 75 communautés s'unissent et en dehors de notre organisation, nous avons triomphé. C'est un triomphe car les soldats sont venus, ils étaient 150 et nous étions 700. C'est là qu'on peut gagner, explique Zoïla, pour bien montrer la différence de rapport de force possible. Ces femmes réalisent souvent également des formations entre elles, de psychologie, de biologie, de monitoring, d'analyse des eaux, etc. En interne à INTAG, elles fonctionnent au consensus, ce qui est assez répandu dans beaucoup de communautés. On retrouve souvent également la mise en commun de fonds et l'union dans les actions. Zoïla disait, si on décide d'aller à une marche, on y va toutes. Et c'est également ce que disait Sylvia à INTAG. On a également une réappropriation desde la bajo, depuis le bas, avec la réutilisation de slogans comme du stade en Argentine pour l'opposer désormais aux violences sexuelles. C'est aussi une manière de dénoncer les liens entre le football et l'Opus Dei. La musique est alors outil de libération. On retrouve également l'importance de l'art oral. L'écrivaine féministe portoricaine Ygritte Zulma Oliveras Vega parle de l'importance de la poésie et du rap. Le rap est par exemple très accessible car il ne nécessite pas de formation musicale ni d'instruments pour le pratiquer. Et plus que d'autres genres musicaux, il donne aux paroles et à l'expression orale rythmée une place centrale qui autorise l'expression des sentiments tels que la colère, l'irritation ou la rage. Ce que met notamment en avant le collectif Batallones Femeninos. Et on retrouve également dans l'importance artistique celle de la peinture et du graffiti pratiquée notamment par Mujeres Creando et des Peatucadas lors des manifestations et des rassemblements féministes sur tout le continent. J'ai moi-même pu intégrer la Peatucada féministe lesbienne de Quito, en tout cas l'une d'entre elles. Parmi les principaux freins et problématiques rencontrés par ces femmes, on note le manque de renouveau générationnel. Et également la division avec le reste des communautés, due aux réticences d'autres organisations, à la domination masculine aussi, de certains hommes qui refusent de se joindre à elles. Les défenseuses de l'Amazonie rassemblent des femmes de nationalités indigènes différentes, ce qui freine des hommes d'autres organisations. Je voudrais maintenant vous parler des stratégies de l'État pour réprimer ces mouvements. D'abord, il y a la stratégie de la séduction par le modèle capitaliste, qui consiste à polariser, à coopter en proposant un mode de vie plus urbain et capitaliste aux hommes, en premier lieu, et qui entraîne par la suite ce que Zoïla, l'une des personnes des défenseuses de l'Amazonie que j'ai rencontrées, appelle le drogalisme et l'alcoolisme, et qui deviennent des sources supplémentaires d'appauvrissement et de dépolitisation des hommes de la communauté qui vont à la ville ou dans les mines travailler et qui dépensent leurs maigres revenus dans l'alcool et la drogue, ce qui appauvrit considérablement les communautés. Et c'est un facteur qui facilite le passage à la violence et qui entraîne de nombreux conflits intracommunautaires et intrafamiliaux et une rupture entre les genres avec davantage de violence des hommes sur les femmes. Face à ça, s'organise un mouvement de résistance de ces femmes qui luttent pour la reconnexion de leur communauté avec leur culture et territoire, réaffirmer l'identité, et cela passe également par la sémiotique, la défense de leur langue, contre la prétendue universalité occidentale et la défense d'une certaine autonomie, comme à travers la culture de la Minga en Équateur, que j'ai déjà expliqué, qui va jusqu'à la réclamation de la libre détermination sur les territoires, contre les projets d'écotourisme et autres projets alternatifs de conservation qui sont avancés par l'État. Elles développent un véritable répertoire d'actions en résistance. Donc j'ai cité Linette qui travaillait dans des recherches en biologie, mais également en sémiologie. Il y a également l'ouverture d'écoles reconnectant avec les langues et les cultures originaires. On peut également citer l'importance de la symbolique de la marche en recourant aux habits, maquillages traditionnels avec le refus de prendre les transports de la société moderne et qui démontre le rapport direct au territoire que ces femmes arpentent pour aller manifester jusque devant les instances gouvernementales ou devant les projets miniers, et qui réinverse aussi l'image du déplacement forcé par les migrations forcées entraînées par les projets extractivistes. On note également un réusage du terme de développement pour en revendiquer un autre sens non capitaliste et occidental. On peut également retrouver sous le terme de plan de vie, Kausai Sasha Buen Vivir, qui est notamment revendiqué par la Cofinae et qui demande à l'État d'écouter du coup leurs revendications et de leur laisser les moyens de leur autonomie. Au-delà de la séduction par le modèle capitaliste et les divisions intracommunautaires que cela induit, l'État réprime également de manière plus directe. Il utilise le flou des entreprises de sécurité auxquelles on recourt à ces instances et les multinationales. Ils jouent sur le flou et la multiplicité des règles pour pousser sans cesse aux renégociations avec les acteurs partenaires locaux et étrangers. Et on peut penser ici aux travaux de Béatrice Hibou qui parle du redéploiement de l'État via la privatisation et qui brouille ainsi les responsabilités des exactions réalisées par les paramilitaires qui permettent à l'État de se dédouaner. Par rapport à ça, on a un répertoire d'action-résistance qui est très fort, avec des prises d'otages de dirigeantes des multinationales, des incendies des lieux, notamment à Intag, une entrée de force avec les lances pour forcer la fermeture des pompes, l'arrêt des machines et le campement sur place. Les forces militaires s'allient, elles, avec les patrons pour faire du chantage aux hommes employés et les pousser à faire à leur tour pression sur leurs femmes pour empêcher les mobilisations. Il y a également de la part donc de l'État et des multinationales un chantage sur le rachat et la revente des titres de propriété, donc là encore pour fragmenter les communautés et les familles entre elles, et le développement de séries de syndicats et d'autres organisations sociales qui viennent faire concurrence à celles développées par les mouvements de résistance. À Intag, on note le développement même d'une organisation de femmes, une association de café et une autre association d'agriculture qui viennent concurrencer en fait les associations similaires, enfin, en tout cas sur le papier, qu'avaient formé en autonomie les habitants eux. Sauf que l'État a les moyens de mettre le plus de fonds possible pour gagner le rapport de force face au consortium Toysan. Le consortium Toysan, c'est l'ensemble de la coordination des organisations et des associations à Intag qui prônent leur modèle alternatif autonome. Et donc le but est de créer le chaos social. L'INETS parle de destruction socio-environnementale et on peut penser là à ce qui également dans toutes ces séries de chantage et de développement de d'autres organisations concurrentes à ce qui s'est passé au parc Yasuni, où ont été faites des cartes mensongères et la cooptation de certains leaders au sein des exploitations pour appuyer les projets de construction routiers et les forages pétroliers au sein des populations. À Intag, on note une forte incitation sur les employés à désobéir aux autorités cantonales opposées à la mine, tout en cherchant à promouvoir la création de nouveaux cantons afin de déstructurer l'organisation du coup qui a été faite par les habitants de leur territoire et de réaffirmer une autre forme de territoire administratif que dirigerait l'État. On note également la cooptation des ONG, de chercheuses extérieures qui sont poussées à livrer des informations sur les leaders des mouvements. L'usage de l'argent de manière générale est très important, avec une distribution fragmentée des fonds de l'aide internationale pour, là encore, coopter, faire du chantage. Et par ailleurs, pour faire face à la dénonciation des violences sur les femmes qui peuvent être relayées par certaines organisations internationales, on note par l'État un engagement de davantage de femmes dans les corps de police et de l'armée pour légitimer de nouveau la violence sur les corps des femmes résistantes. Il y a également un fort harcèlement judiciaire. Les multinationales multiplient les procès contre les militantes en misant sur le caractère intimidant et épuisant des procédures judiciaires et sur leurs coûts élevés, d'autant plus élevés financièrement pour les femmes. Ces multinationales et les représentants étatiques qui y sont liés accaparent également le terrain médiatique contre les médias indépendants en résistance, comme la radio Intag par exemple. Et j'ai pu voir que le relais médiatique pour les femmes en résistance était très coûteux, avec notamment la rencontre de Margot Escobar, alors qu'il n'est pas d'une nationalité indigène en Amazonie, mais qui fait partie du mouvement de résistance et qui soutient les femmes défenseuses de l'Amazonie. Et ça lui coûte entre 100 et 200 dollars à débourser pour chaque passage de sa campagne radiophonique à Puyo, en Amazonie équatorienne. Et on note une médiatisation rare des actions des militantes en dehors des événements les plus grandioses comme les grandes marches face aux instances gouvernementales. Il y a également une campagne de discrédit menée par le gouvernement à l'encontre des militantes qui sont régulièrement qualifiées de folles, qui minimisent leur action en disant que c'est une peine perdue et qui vient rentrer en écho avec le ressenti de nombreuses membres des communautés ensuite. Et enfin, bien entendu, il y a l'usage de l'intimidation et des violences. En mai 2014, Il y a eu l'envoi de forces de police et d'élite à Hunin, la province dans laquelle est située Intag, pour assurer la sécurité des scientifiques de l'entreprise Codelco. On note également un harcèlement sexuel des forces de l'ordre qui revient régulièrement, et c'est notamment le 7e point du plaidoyer de la 9e rencontre des défenseuses des territoires d'Abiyala, qui demande le respect de la vie des femmes et la justice. Pour faire le lien avec des écoféministes occidentales, je voudrais citer cet extrait de la préface du livre « Les paillettes sur le compost » de Myriam Bahafou, qui dit « En tant qu'écoféministe, je valorise la pauvreté dans laquelle je suis née, comme une chance d'avoir très vite saisi la nécessité politique de la communauté, de la sphère domestique, du soin et de la famille. En revanche, je ne la romantise pas comme un état de dépouillement chrétien, et je me glisserai volontiers dans n'importe quel jacuzzi. » Et on voit bien l'ambivalence là, du coup, entre le fait de revaloriser les espaces domestiques et de soins comme des espaces qui sont à la base des ressources et qui sont nécessaires, mais le fait de ne pas romantiser et de reconnaître aussi le pouvoir en fait qu'a le capitalisme en faisant miroiter un confort beaucoup plus facile d'accès aux communautés les plus pauvres. Et plus loin, elle dit « Les écoféministes affirment « Vous n'êtes pas pauvres, vous avez été appauvris », ce qui redonne cette notion d'empuissancement et de réappropriation du coup des luttes pour les écoféministes, en refusant la pauvreté comme état de fait, mais bien comme quelque chose qui peut se renverser, qui a été apposé par un modèle patriarcal capitaliste. Et on peut faire là aussi un lien avec l'écoféminisme depuis la classe que revendique Fatima Wasak, politologue française. Sur la notion de corps-territoire, je voudrais revenir sur l'un des textes du recueil publié par Elina. Le texte est le deuxième texte de la partie 2 sur le corps-territoire, et s'appelle « Une autre perception des corps-territoires féminins » de Delmi Tania Cruz Hernandez, donc qui est une universitaire mexicaine, militante et écologiste, engagée au sein du collectif Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, regard critique du territoire depuis le féminisme, et qui se présente comme éducatrice populaire. Et elle revient sur les analyses de plusieurs géographes décoloniales féministes sur la notion de corps-territoire, sur la relation entre notamment l'espace et les corps. Elle explique que la construction des espaces se fait au prisme des structures politiques et des relations entre pouvoir et connaissance. Elle parle d'interconnexion des mobilités vis-à-vis des politiques de développement, par exemple. Elle cite Linda McDowell, qui reconsidère les divisions spatiales entre l'intérieur et l'extérieur, le public, le privé, et que cette division a un rôle majeur dans la construction sociale des divisions entre les genres, avec un féminin réduit et confiné au corps, là où le masculin tend vers l'incorporel. Donc ça éclaire dans un genre nouveau aussi pourquoi le corps peut être d'une importance particulière pour les femmes, notamment en Amérique du Sud. Elle revient également sur les travaux de Dorothy et Smith, qui décrit que l'espace corporel établit la première frontière entre moi et l'autre, en invitant à tenir compte également de la race, de l'âge, des attributs personnels. Elle s'intéresse aux lieux comme espace vécu, et qui est déterminé par différents facteurs physiques liés au contexte géographique, et également à des constructions culturelles, qui entraîne des certaines représentations de cet espace vécu. Enfin, elle cite également Alicia Linden, qui parle davantage de corporalité que de corps, pour le détacher de ses déterminations physiques, et elle parle d'un langage structurel qui transparaît dans le corps. D'après elle, cela peut être mis en miroir avec la notion des corps-territoires des féministes autochtones, lesbiennes, afro-colombiennes et urbaines d'Amérique du Sud, pour analyser leur devenir en tant que sujet en action, davantage engagé dans le contexte des luttes, plutôt que juste comme une catégorie d'analyse. Elle invite également à voir l'extractivisme comme patriarcalisation des territoires qui ont en leur centre le mode de vie communautaire. Le concept de corps-territoire peut donc être vu comme des territoires vivants et chargés d'histoire. Il convient d'observer les territoires comme des corps sociaux intégrés au réseau de la vie, où ces femmes qui revendiquent le corps-territoire ont une relation au territoire qui est davantage de l'événement éthique, pour citer donc Dorine Bemassi, qui s'oppose au système de contrat de domination et de pouvoir que le pouvoir administratif décrit par Carlos Walter Porto Goncalves entend fragmenter, contrôler, délimiter. Et ce territoire vécu, c'est ainsi le lieu où on peut accueillir l'autre en co-responsabilité. Je voudrais maintenant revenir sur comment les femmes avec lesquelles j'ai pu m'entretenir décrivent leur rapport à ce corps-territoire, et quelle compréhension elles font de leur mobilisation de femmes comme étant en première ligne des mobilisations face à l'extractivisme. Donc tout d'abord, Julieta Paredes, avec qui j'ai pu m'entretenir au téléphone, estime que les femmes se retrouvent en première ligne d'abord en tant que responsables de l'alimentation de leur famille. Elles sont les premières à se confronter au problème du renouvellement des ressources. Pour Linette, défenseuse de l'Amazonie, les femmes ont un autre rapport à la famille, elles sont davantage dans le sentir. On peut faire un parallèle ici avec Mujeres Creando, le collectif de Julita Paredes, qui parlait de la division genrée du travail, ou Army Chacha, et un autre parallèle est également avec Intag, où les hommes sont davantage tournés vers l'agriculture de vente, et donc s'occupent plus des monocultures à grande échelle, là où les femmes font de l'agriculture de subsistance. Ce qui expliquait aussi que les hommes sont plus facilement corruptibles, alors que les femmes constatent directement la contamination des ressources et leurs conséquences directes sur la santé de la communauté. Néanmoins, à la différence des féministes communautaires, cette conscience de l'inégalité des répartitions des tâches comme source de conflit ne devient pas nécessairement le premier axe sur lequel elles souhaitent se battre, dans ce qu'un regard occidental qualifierait de lutte féministe. Leur priorité est d'adresser le manque de ressources. Dans l'ensemble des entretiens, j'ai pu constater que les femmes mettaient en avant le fait qu'il était difficile de mobiliser les hommes aux ateliers et réunions de sensibilisation et de formation qu'elles organisaient. Pour les défenseuses des territoires d'Abiyala lors de la 9e rencontre à Quito, on notait davantage une insistance sur une spécificité féminine, avec une vision plus mystique de la femme comme source de vie dans le monde entier, ce qui peut faire penser aux revendications des femmes kurdes ou iraniennes « Femme, vie, liberté ». Dans le fleuve Mounzour, je ne me jetterai pas. Il a rougi déjà du sang fier de nos mères. Dans ces eaux, leur amour s'est changé en prière. Je ne trahirai pas ce que murmurent les pierres. Je mets en garde contre les réappropriations en Occident de cette devise par les féministes transphobes TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist, qui l'utilisent ensuite pour revendiquer un rapport essentialisant des femmes. Mais parmi ces défenseuses des territoires d'Abiyala lors de la 9e rencontre à Quito, on notait des narratifs qui étaient quand même différents dans ce qu'elles projetaient sur leur lutte, selon les profils et les parcours spécifiques de ces militantes, tout en revendiquant un rapport particulier à leur territoire, à chaque fois, lié au développement de leur vie et culture spécifique, en tant que membres de nationalité indigène. Ce qui revient de manière générale dans le concept de corps-territoire, c'est l'importance du parallèle fait entre l'exploitation des territoires et celle des corps des femmes, une analyse qui rejoint celle des mouvements écoféministes. Il y a néanmoins une spécificité poétique et cosmogonique de la métaphore entre femme et nature exploitée, qui sont toutes deux exploitées. Cette spécificité, on la retrouve dans la plupart des mouvements des femmes qui revendiquent la notion de corps-territoire. Cette notion implique le refus de la rationalité occidentale qui fait la division entre être humain et nature, et donc le refus de la culture et d'une vision d'une nature qui serait extérieure et nécessairement dominée par les êtres humains. Le corps-territoire est également un outil de lutte en faisant du corps de ces femmes un corps ancré dans leur territoire et partie prenante de ces derniers, un corps de résistance. C'est le premier mobilisé dans les luttes face aux multinationales, à la police d'État et à l'armée. On peut prendre l'exemple d'Intag. J'ai pu noter l'importance du corps des femmes dans les mouvements de résistance. Ce sont les premières et parfois leur corps est leur premier et parfois unique arme de résistance qui se retrouve dans la confrontation directe avec les dispositifs de répression et qui est également leur instrument principal de résistance et d'expression dans les marches de protestation qu'elles organisent, tout comme les femmes indigènes. Je vais terminer en vous lisant la conclusion de mon mémoire de recherche. À travers ce travail de recherche, nous avons cherché à comprendre l'aspect fréquemment genré des mouvements anti-extractivistes des communautés indigènes. Pour cela, nous souhaitions comprendre de quelle manière et pour quelles raisons les femmes indigènes se retrouvent particulièrement touchées par l'extractivisme, expliquant qu'elles jouent un rôle spécifique, voire de leader dans les mouvements d'opposition à cette forme d'exploitation des ressources naturelles. Vivant sur des territoires souvent isolés, convoités par les États nationaux et les multinationales étrangères pour les ressources naturelles non encore exploitées dont ils disposent, nous avions d'abord convenu que c'était en tant que membres des communautés indigènes que ces femmes étaient exposées à l'extractivisme et que leur opposition trouvait une première logique au sein des mouvements indigènes des années 1990. En nous appuyant sur les analyses des coloniales, et notamment du féminisme communautaire, nous avons également replacé ces femmes au croisement d'un double patriarcat hétéronormé. Le premier est issu de leur culture propre, bien que prenant diverses formes selon leur nationalité indigène et leur communauté. Dans le cas Quechua et Aymara, il prend par exemple la forme du concept de Chachawarmi, instaurant une division des tâches entre hommes et femmes, impliquant une inégalité sous-jacente en termes de temps, d'énergie et de valorisation du travail. La seconde forme de patriarcat, donc celle que Rita Segato nomme celle de haute intensité, est quant à elle issue de la colonisation occidentale, ayant renforcé le rôle des femmes dans la prise en charge de l'ensemble des formes de reproduction de la vie, correspondant au renouvellement des forces productives par la mise au monde des enfants, leur éducation, leur alimentation, celle-ci impliquant qu'elles se dédient à une agriculture de subsistance et à l'ensemble des activités assurant le maintien des conditions d'existence. À l'inverse, des hommes dont l'orientation vers des activités davantage productives et monétarisées a pu conduire à une vision davantage instrumentalisante du territoire. Le corps des femmes indigènes aurait ainsi évolué au fil des siècles, aux prises avec un rapport sensible au cycle naturel des ressources nécessaires à l'entretien et la reproduction de la vie des membres de leur famille et de leur communauté, sensibilité davantage effacée culturellement chez les hommes. Ce rapport plus étroit à leur environnement peut également se retrouver renforcé par l'héritage de cosmogonies anciennes, filant la métaphore des femmes comme allégorie de la nature, dont l'exemple le plus éclairant est le concept de terre-mère, Pachamama, en quechua. Toutefois, c'est bien pour leur position particulière au plus près des éléments naturels, notamment de la terre qu'elles cultivent et de l'eau qu'elles collectent, que ces femmes se trouvent dans la plupart des cas les premières témoins et victimes des destructions et des contaminations provoquées par l'activité des entreprises extractivistes. À partir de ce processus général commun à l'ensemble des mouvements que nous avons évoqués dans ce travail, différentes lectures et différents processus de mobilisation peuvent être amorcés et déclencher la lutte anti-extractiviste de ces femmes. En commençant par les deux mouvements se revendiquant du féminisme communautaire que sont Mujeres Creando et Amix Massage, nous avons eu l'exemple de mouvements se pensant avant tout dans une perspective féministe intersectionnelle et décoloniale. C'est en effet au fil de son expérience de diverses formes de discrimination que Julieta Paredes a amorcé sa réflexion anti-extractiviste qu'elle ne dissocie pas d'aspiration plus générale d'un autre monde social et qu'elle formalise dans Hilando Fino. L'armement de cette réflexion théorique permet également aux féministes communautaires de tisser des métaphores inspirées de la cosmogonie de leur peuple d'origine, liant l'exploitation de la terre à celle de leur corps de femme, corps pensé par conséquent comme l'un des premiers espaces de leur lutte. Néanmoins, l'ensemble des luttes des femmes indigènes est loin de passer nécessairement par un prisme idéologique et même théorique, et s'en passe d'ailleurs dans la majorité des cas. Sans s'inscrire à l'origine du moins dans une aspiration de transformation du modèle social, sans même d'ailleurs se penser au sein d'une perspective écologiste ou féministe pour lequel la plupart n'avaient pas les capitaux culturels correspondants, les femmes de Cajamarca au Pérou nous ont fourni une grille de lecture complètement différente de l'engagement des femmes indigènes contre l'extractivisme. Ressemblant davantage aux mouvements socio-environnementaux théorisés par Michael Lowy, l'engagement de ces femmes a d'abord correspondu à un constat d'urgence sanitaire, tout en bénéficiant de l'émulation de quelques leaders, davantage formées et de certains appuis extérieurs. Une situation similaire est observable dans le cas de la mobilisation des femmes d'Intag. Cette dernière constitue d'ailleurs un parallèle intéressant dans la mesure où elle n'est pas celle de femmes indigènes. En effet, la population d'Intac ne descend pas d'une nationalité préhispanique spécifique et ne se pense pas d'identité indigène. Il s'agit plutôt de populations métisses, c'est le terme utilisé en Équateur, s'étant installées dans cette région après la colonisation. S'il n'est donc pas surprenant de ne pas noter de références cosmogoniques dans la mise en récit de leur mobilisation, filer la comparaison entre ce mouvement et celui d'autres femmes indigènes comme celle des défenseuses de l'Amazonie permet d'en faire ressortir les importantes similarités, nuançant l'idée d'une spécificité proprement indigène des femmes luttant contre l'extractivisme et relativisant du même temps le rôle de la culture et de la cosmovision indigène dans cet engagement. En effet, bien qu'à la différence de Cajamarca, la mobilisation ne vienne pas directement des femmes, celle-ci a émergé dans un contexte socio-environnemental et notamment en construction d'un rapport vécu au territoire qui pourrait être rapporté à celui des communautés indigènes les plus réfractaires à l'extractivisme. Ce contexte implique notamment un isolement géographique ayant favorisé d'importantes relations interpersonnelles et de solidarité intra- et intercommunautaire à l'ensemble de la vallée d'Intag. Celles-ci ont poussé au développement d'un rapport spécifique au territoire, pourtant à l'origine difficilement cultivable, mais auquel ses habitantes, eux, ont su s'adapter, assurant leur autonomie et pourvoyant à leur subsistance par l'agriculture. À l'instar de nombreuses communautés indigènes, notamment des zones reculées d'Amazonie, les habitantes d'Intag ont ainsi développé une forte identité commune qui a su constituer un terreau fertile à la construction rapide d'un réseau de résistance associatif et écologiste en mesure de lutter contre l'extractivisme et même de lui opposer un plan de vie alternatif. De même que des communautés indigènes inscrites dans une logique similaire et sans aller jusqu'à des revendications de libre détermination, la vallée d'Intag manifeste d'ailleurs elle aussi une autonomie économique et politique de fait qui vient contester les représentations de l'État. Comme pour de nombreuses communautés indigènes, le territoire administratif, tel que délimité lors du processus de construction du territoire national, ne correspond pas avec le territoire social vécu par les populations. En outre, les politiques publiques transitant par les instances administratives en charge peinent à s'appliquer, ne correspondant pas à la réalité des modalités de décision et de concertation développées au fil des années d'isolement par les communautés d'Intag elles-mêmes. Concernant la grille de lecture qui peut être faite de la mobilisation des femmes à Intag, on peut y voir également un certain nombre de points communs avec d'autres mobilisations de femmes indigènes, notamment celle de Cajamarca, où par une histoire et une sensibilité différente de celle des femmes indigènes, le corps ne prend peut-être pas, du moins au début, la même force d'importance. En effet, si la mobilisation anti-extractiviste ne vient pas à l'origine directement d'une prise de conscience proprement féminine, elles sont, tout comme les femmes de Cajamarca, animées et structurées par un petit groupe leader et vont rapidement s'approprier la cause. Alors que l'ensemble des habitantes recevaient sensibilisation et formation sur les dangers sociaux et environnementaux des projets d'extraction, d'après Sylvia et Carmen, les femmes se sont montrées particulièrement proactives. Elles expliquent cela par une analyse identique de la division genrée des rôles sociaux à celle menée au sein des communautés indigènes, renforçant l'idée d'un patriarcat global historique, sans doute hérité de la colonisation, et s'appliquant de manière relativement similaire à l'ensemble de ces communautés. Enfin, dans le cas des défenseuses de l'Amazonie, tout comme des participantes à la rencontre des défenseuses des territoires d'Abiayala à Quito, les narratifs projetés sur leur lutte semblent davantage variés selon les profils et parcours particuliers de ces militantes. Néanmoins, toutes ancrent leur mobilisation dans la revendication d'un rapport spécifique au territoire, le liant cette fois directement au développement de leur vie et culture spécifique en tant que membres de la nationalité indigène. Ce discours peut être mis en perspective avec celui de Julieta Paredes pour souligner une interprétation différente de l'autonomie du choix de vie entre ces femmes et la chef de file de la pensée du féminisme communautaire. En effet, alors que Julieta Paredes estimait que l'exposition particulière des femmes indigènes à l'extractivisme eût été particulièrement renforcée par les politiques néolibérales des États sud-américains des années 80, il n'est pas sûr qu'une telle analyse soit totalement partagée par les autres militantes indigènes dont nous avons recueilli les témoignages. S'il est clair que ces dernières partagent son opposition au modèle néolibéral et que les premiers mouvements indigènes sont apparus suite aux premiers projets extractivistes lancés sur leur territoire dans cette période de libéralisation économique, certaines comme Linette n'expriment pas le regret du retrait de l'État et ne lient pas ce phénomène à une surcharge de responsabilité endurée par les femmes à cette période. Certes, des militantes telles que Soyla souhaitent à l'heure actuelle davantage d'investissements publics. Néanmoins, cela répond surtout au constat d'une perte de leur savoir et de leur autonomie, pour laquelle l'État est également mis en cause, dû à ses tentatives d'imposition du modèle capitaliste et ses stratégies de cooptation des hommes, des jeunes et des communautés enclavées. Dans le discours de Linette et celui de la plupart des militantes de la rencontre organisée à Quito, les nationalités indigènes n'auraient en principe pas besoin de l'État si celui-ci ne s'arrangeait pas pour créer ce besoin, les éloignant de leur choix de plan de vie pour leur imposer son modèle de développement à lui. Dans ce contexte, la demande d'autonomie et de libre détermination qu'elles revendiquent va peut-être plus loin que celle à laquelle Julieta Paredes appelait également de ses vœux au moment des mouvements sociaux de 2000 en Bolivie. En effet, sans en faire un modèle parfait, Julieta Paredes estime que l'État plurinational est respecté dans son pays, qu'il respecte également son devoir de consultation des peuples indigènes, laisse la marge d'autonomie nécessaire aux communautés et aux militantes pour formuler leurs propres aspirations de vie sociale. Or, cette opinion n'était visiblement pas partagée par les défenseuses boliviennes présentes à la rencontre des défenseuses des territoires d'Abiyala, à Quito, et pourrait d'ailleurs être interprétée comme une forme de recul dans l'opposition à l'extractivisme de Julieta Paredes. En effet, le gouvernement progressiste d'Evo Morales n'a pas, à l'instar de celui de l'Équateur, renoncé à recourir cette formule de l'extractivisme pour financer sa, je cite, « transition du modèle social ». Toutefois, peut-être s'agit-il là d'un glissement de la pensée de Julieta Paredes, soulignant le conflit entre des conceptions différentes du buen vivir. Ainsi, comme le souligne la pensée décoloniale, il semble fondamental de resituer la place depuis laquelle nous parle l'ensemble de ces mouvements. Cette place peut notamment s'entendre en termes de territoire vécu, dimension que véhicule la notion de territorialité développée par Carlos Walter Porto Goncalves. S'ancrant dans des conditions sociales et environnementales spécifiques, ces territorialités traduisent des identités culturelles plus ou moins fortes, incluant divers degrés d'affect à l'environnement dans lequel elles s'expriment, diverses aspirations en termes de plans de vie, pouvant être de ce fait plus ou moins perméables aux immixtions de plans de vie différents, davantage inspirés du mode de vie capitaliste adopté par l'État. Si, de par leur longue tradition précoloniale, la plupart des communautés les plus imperméables à ce système se révèlent être des communautés indigènes, il serait faux de penser que l'ensemble des communautés indigènes sont aujourd'hui opposées à ce modèle, comme en témoignent les projets d'extraction acceptés par nombre d'entre elles. À l'inverse, des communautés non indigènes peuvent témoigner d'un socle identitaire et social extrêmement fort, prônant elles aussi un modèle de développement propre, différent de celui de l'État. Face à ces résistances, c'est justement ces liens sociaux et ces référents identitaires que l'État répressif cible en priorité, polarisant les opinions, tentant de coopter les moins ancrés dans le territoire, tels que les hommes, les jeunes ou les familles marginalisées et modifiant l'environnement primaire dans un conflit de basse intensité, visant des objectifs de territorialisation et reterritorialisation administrative notamment. La déconstruction de l'histoire de la formation du territoire national autour de l'État moderne, telle que l'analyse des universitaires décoloniaux comme Carlos Walter Porto Goncalves, permet de comprendre que les États sud-américains comme l'Équateur refusent de se départir d'une vision centralisée de l'administration du territoire. Consentir à davantage d'autonomie pour ces communautés finirait en effet de déconstruire les frontières officielles, naturalisées, et remettrait en cause le paradigme d'universalité de la modernité occidentale pour laisser exploser, à l'inverse, la multitude de cultures et de savoirs et autant de formes de penser, de sentir et d'agir différentes, relativement invisibilisées depuis la colonisation. En d'autres termes, le combat de ces États contre les mouvements d'autonomie indigène, bien au-delà d'une simple dispute économique, politique ou géographique, constitue le combat des États modernes pour leur propre survie en tant que telle. Au centre des mouvements qui menacent les États modernes, la place particulière des femmes ajoute d'ailleurs une dimension supplémentaire à cette remise en cause. Sans que la plupart des mouvements des femmes indigènes ne le théorisent de la sorte ou ne le recherchent même directement, ces mobilisations qui ne sont pas l'unique fait de l'Amérique du Sud réactualisent de vieux débats tant mystiques qu'académiques sur le parallèle entre l'exploitation de la terre et celle des femmes. Je parle ici des écoféminismes. L'importance du corps des femmes, donnée par la métaphore poétique et cosmogoniste des féministes communautaires qui l'associent à la terre saignée par l'extractivisme, s'il n'est pas nécessairement souligné par l'ensemble des mouvements des femmes indigènes, reste très parlant visuellement. Refuser la frontière rationaliste entre culture et nature, réintroduisant l'être humain N comme partie intégrante du cosmos, fait du corps, d'abord féminin car première ancrée dans une interrelation de soins avec la nature, un territoire à défendre à part entière. Il constitue en effet le seul véritable outil de lutte, l'arme d'autodéfense pour ces femmes qui ne disposent pas de ressources propres ni de beaucoup de soutien interne ou externe. Ainsi, d'après Silvia, au cours des 20 années de lutte, le corps des femmes a été le bouclier du mouvement de résistance d'Intag. De même, c'est également comme d'un bouclier ou d'une muraille que Zoila, défenseuse de l'Amazonie, se sert de son corps lorsqu'elle se dresse entre les forces militaires et les autres femmes, prête à se faire tuer, c'est le seul moyen de manifester sa résistance. Ces corps peints selon les couleurs guerrières et qui les portent dans les longues marches qu'elles effectuent jusqu'à Quito, leur permettent ainsi de visibiliser, toujours sans nécessairement le théoriser, la prégnance du patriarcat. Ce dernier transparaît alors dans chacune des sphères de leur existence et des espaces de leur action. Il est d'abord présent au sein des communautés où on essaye de les faire taire, puis réapparaît au sein des mouvements indigènes militants où leurs corps servent la confrontation mais ne se voient pas consentir de voix pour la prise de décision. Il se fait enfin particulièrement violent à travers la répression de l'État qui violente et abuse de leurs corps tout en tâchant de les discréditer. En allant plus loin au cours des longues marches qu'elles mènent, un processus de visibilisation de leur corps fatigué semble s'opérer, témoignant des déplacements causés par l'arrivée des entreprises d'extraction, de même que de la charge particulière de reproduction de la vie dont elles sont affectées. Un parallèle peut alors être fait avec les théories écoféministes développées en France par Françoise de Beaune, au début des années 1970, et d'autres autrices anglaises du début des années 80. Celle-ci établissait un lien entre l'exploitation de la terre et celle des femmes. Suivant la pensée de De Beaune, l'oppression des femmes indigènes pourrait être replacée dans le cadre plus large de l'oppression historique d'un patriarcat millénaire, dont le capitalisme et la surexploitation des ressources par l'extractivisme ne seraient que les dernières manifestations en date. Elle replace ainsi la domination des femmes au sein d'un processus historique d'accaparement par les hommes de leur pouvoir de reproduction, simultanément à l'accaparement de l'agriculture, qui passe d'une agriculture féminine de subsistance pratiquée là où vers une agriculture masculine, mécanisée, motivée par les objectifs de rente. L'ensemble de ces appropriations conduit au monopole masculin sur les activités de production, justifiant leur appropriation de l'espace public et de l'héritage. À l'inverse, les femmes seraient reléguées à la sphère privée, dans ce que l'analyse marxiste de Silvia Federici distingue comme la classe sociale des productrices, de producteurs en charge de la reproduction de la vie. Le modèle capitaliste reposerait ainsi sur l'exploitation simultanée de la nature des femmes et des peuples colonisés, faisant subir aux femmes des pays colonisés un degré supérieur d'instrumentalisation et de marchandisation de leur corps, dont l'appropriation sera par la suite disputée entre le patriarcat capitaliste des peuples colonisateurs et celui révolutionnaire des peuples colonisés. Pour Caroline Merchant, le système capitaliste a notamment pu se structurer sur la base d'un basculement des mentalités opéré à la Renaissance. Conduisant peu à peu à l'avènement de la pensée des rationalistes tels que Descartes et Bacon, ce basculement se caractérise ainsi par l'abandon de l'ancienne perception du monde comme d'un, je cite, « organisme vivant associé à une figure maternelle et nourricière ». Cette représentation qui date de l'Antiquité condamnait à l'époque l'extraction minière qui était comparée à un viol de la terre au profit d'un rapport à la nature immédiat et organique. À l'inverse, le nouveau rapport à la nature prôné par l'idéologie rationaliste en véhicule une vision mécaniste où celle-ci désormais représentée comme passive et présentée comme contrôlable par l'homme via le recours aux sciences. Toujours associées à la nature, les représentations du féminin subissent, d'après Suzanne Bordeaux, une domination similaire. Parallèlement à la construction des états modernes, analysée par Carlos Huerta Portillo Goncalves, l'idéologie rationnelle masculine et le sacre de l'objectivation deviennent hégémoniques, évinçant d'autres types de savoirs féminins notamment plus subjectifs, de l'ordre des sentirs, des affects ou des émotions, dont la chasse aux sorcières en Europe est l'un des premiers exemples, mais qui s'étend également jusqu'au sein de nombreuses communautés des peuples colonisés, y compris des nationalités indigènes. Ce cadre théorique fournit ainsi de premières explications à la disparition des savoirs de médecine ancestrale ou encore du travail de la maïeutique, désormais renvoyé au corps médical d'inspiration occidentale, des femmes indigènes, à la perte de leur activité spécifique, ainsi qu'à celle de l'autonomie sur leur corps. De même, cette grille de réflexion permet de détacher l'association entre féminin et nature du cadre de la seule cosmogonie indigène pour la relier à des croyances pouvant remonter à l'Antiquité et qui seraient d'ailleurs partagées par diverses parties du monde, n'étant pourtant pas en contact les unes avec les autres à cette période-là. Face à ces constats, une partie des écoféministes, de mouvements davantage spirituels, entend alors rejeter la distinction entre nature et culture héritée du rationalisme moderne venu de l'Occident. Ne souhaitant pas se contenter de revendiquer la récupération de la place culturelle de la femme, elles en appellent ainsi à une réappropriation de son association à la nature. Pour ce faire, les féminismes du Sud commencent par enraciner leurs perspectives dans les mémoires des luttes collectives inscrites dans les corps des femmes et dans les graphies de leur territoire. Ensuite, elles effectuent un double mouvement. D'un côté, elles dénoncent le caractère intrinsèquement meurtrier du projet historique d'accumulation matérielle sur lequel s'est bâti l'ordre social dominant. D'un autre côté, elle propose des alternatives dont la particularité est de voir dans la sphère de la reproduction de la vie, humaine et non humaine, qui a historiquement été assignée aux femmes, un endroit privilégié dans lequel peuvent se rencontrer des techniques de sociabilité en mesure de nous enseigner d'autres façons de se rapporter à l'autre. Leur appel vise plutôt la construction commune d'une société à partir d'une conception différente de la vie qui, au lieu d'être fondée sur la domination et la hiérarchie, repose sur le tissu relationnel de la vie. C'est que le féminin est ici pensé à la manière d'une fonction sociale. Selon cette perspective, penser l'invocation de la terre-mère et du lien entre femme et nature par certaines militantes indigènes, notamment en Inde ou en Amérique du Sud, comme une essentialisation, pourrait constituer une reproduction d'un jugement colonial héritier du rationalisme occidental. Rejetant toute accusation d'essentialisme, Emily H. défend au contraire la nécessité de se réapproprier un corps, tant à la fois diabolisé et violenté au cours de l'histoire, tout en parlant de cette expérience subie, pour questionner le rapport guerrier à la nature dont il a été concomitant. Comme avancé par Mona Chollet dans son livre « Sorcière », La réflexion écoféministe pourrait ainsi prendre au revers l'histoire de la modernité qui a si longtemps opprimé et associé de manière négative la femme à la nature et reprendre le concept de nature des mains de ceux qui l'édifient en prétexte d'imposition de comportements normés tels que l'hétérosexualité ou la maternité. Les féministes du Sud ancrées affirment que la clé pour sortir de la boucle infernale des violences patriarcales, coloniales, capitalistes et terricides se trouve dans l'histoire des femmes et qu'elle doit en conséquence prendre son essor dans la sphère de la reproduction historiquement assignée aux femmes. Tel que l'explique Segato, le projet est celui de domestiquer la sphère politique au lieu de politiser la sphère domestique. Selon Segato, la voie qu'elle propose n'est pas celle d'une transposition de la sphère domestique à la sphère politique. Ce n'est pas rechercher l'assimilation du domestique par la grammaire du politique pour atteindre un certain degré de politisation. Elle propose de creuser la voie inverse. Domestiquer la politique, la débureaucratiser, l'humaniser, grâce à une domesticité repolitisée. Les féminismes du Sud ancré nous invitent à changer de perspective, à construire des formes sociales où les relations sont à la fois le point de départ et la fin poursuivie. Or, la construction d'une telle perspective ne suppose pas qu'elle soit créée à partir de rien. Un tel regard ne réifie pas le passé, mais cherche à activer ce qu'Ebussi Boulaga appelle une mémoire vigilante. Il s'agit d'une compréhension historique des causes des problèmes actuels et d'une sélection réfléchie des outils existants dans chaque tradition, capables de contribuer à la transformation des structures génératrices d'injustice. Ainsi, loin de constituer quelques simples idées utopiques, la proposition de la politique au féminin est ancrée dans l'histoire des femmes qui, non par essence mais par expérience historique accumulée, ont développé un type singulier d'attention, d'administration des ressources disponibles et de résolution de conflits. Ainsi, reconnecter le corps à la nature et au territoire pourrait peut-être permettre d'amorcer un nouveau pas vers la récupération d'une partie des savoirs, de l'histoire et de l'identité d'une grande part des femmes. Pour Starhawk, cette récupération passe par l'affirmation de lieux sacrés qui dépassent des revendications strictement rationnelles et partent de valeurs que chacun et chacune juge fondamentales pour les réintroduire dans de nouvelles perspectives qui fassent sens. Selon elle, la contestation des symboles érigés par le système d'oppression induisent de recourir et de créer de nouveaux mythes, de nouveaux symboles, qui, à l'instar des mouvements des femmes indigènes, peuvent également passer par des nouvelles formes de spiritualité. Les études écoféministes, relativement naissantes dans le champ académique français, à l'instar des luttes des femmes indigènes, lient donc corps et territoire, abolissent les frontières entre nature et culture et revendiquent une vision enchantée de l'environnement comme un monde animé, englobant, parsemé de flux d'énergie, bien éloigné de la vision froide du rationalisme occidental, le dépeignant comme une simple matière exploitable. Sans qu'il soit nécessaire d'embrasser ces visions de manière éperdue, une ouverture à ces pensées alternatives pourrait tout au moins donner un élan supplémentaire à la déconstruction et la décolonisation du mode de développement encore aujourd'hui hégémonique à l'échelle mondiale, et pourtant basé sur des représentations patriarcales, constitue peut-être, là, la seule véritable essentialisation. L'ensemble des femmes que j'ai citées, Caroline Merchant, Suzanne Bordeaux, Amélie H., Mona Chollet, sont des chercheuses, Mona Chollet est journaliste essayiste franco-suisse, mais les autres sont des chercheuses écoféministes. Starhawk se définit comme autrice écoféministe états-unienne et elle se présente elle-même comme anarchiste, néo-païenne et sorcière. Bon, ça soulève quand même quelques questionnements d'appropriation culturelle, le fait qu'en tant que blanche, elle se déclare néo-païenne, mais elle est pionnière de l'action directe non-violente et militante au sein de mouvements antimilitaristes et antinucléaires des années 70-80, puis des mobilisations altermondialistes des années 90. Caroline Merchant et Suzanne Bordeaux sont davantage des philosophes écoféministes. Michael Lowy est un sociologue, philosophe, marxiste et éco-socialiste franco-brésilien. Il a été nommé en 2003 directeur de recherche émérite au CNRS et enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, en France. Et il a beaucoup travaillé sur l'origine des mobilisations socio-environnementales, notamment en Amérique du Sud, mais pas que. Ah. Ah. Yeah. Wa. Qui quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite beaucoup de courage en ce début d'hiver et dans ce contexte de forte répression étatique, d'autoritarisme de toutes parts, de connivence économique et politique entre États oppressifs coloniaux tels qu'on le voit aujourd'hui des pays occidentaux vis-à-vis d'Israël, qui génocide le peuple palestinien. Et de manière générale, de criminalisation toujours croissante de l'immigration et de la précarité, avec les lois Darmanin et Kasbarian. Faisons front commun. À bientôt sur Rebord des corps. Votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? Oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer por eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.